guerre. Tu veux nous tester? Nana, tu vas te blesser. Nana, tu veux nous tester? Nana, tu vas te blesser. Nana, tu veux faire un texte? Ah non, je pars en impro. La concu dans le rétro, mes coudes sous la terre dans le métro. J'ai fait le con, elle m'a largué. Moi j'ai cru qu'elle m'aimait trop. J'suis tout petit dans ce monde, pas de quoi faire le maestro. Putain, il manque, moi reste trois. J'suis en fumette, dis-moi pourquoi tu me presses toi. Il me faut de l'espoir. En buvette, il fait TB le poteau. Faut pas qu'on le laisse boire. Tu nous sers, tu vas te blesser. On va pas trop faire l'histoire. Elle marche tordue, pourquoi on la voit? Quand ça la boche, elle fait la voyelle. Frangin, tu dis de la merde. I'm sorry, be quiet. J'mets coups francs comme paillettes. 500 chevaux dans le Cayenne. J'mets 400 dans la nuit. Les vendeurs qui au Bayern. Frangin, j'suis écœuré. Plein de poteaux sont pas sortis. Et ces bâtards, ils ont mis chez qui bafleurie. Je rappe la crapulerie qui se font la bijouterie. Les jeunes, ils sortent la lame, ils font des charcuteries. Moi, ça me fait rien d'être riche. J'annonce un concert, deux jours après qu'ils se fermaient à la billetterie. À 12 ans, au quartier, à pied, ça braquait la papeterie. Crosse le gérant, prends l'enveloppe, drôle de connerie. Je veux être connu comme l'iPhone et sa putain de sonnerie. Faut pas que je m'arrête, je nique tout comme ça rime. Je fais la photo, je m'arrête, je leur dis l'album, ça arrive. Dis-moi, tu veux quoi là? Tu nous laisses pas le joie là. On veut le monde, bandage, d'Intico et Buena. Je me suis lâché la voix là. Je vous dis, ah oui, je mets les voix là. Qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là? Oh check c'est laser. Trop qu'on est là, sort l'umbrella, il pleut des balles, c'est la guerre. Tu veux nous tester? Nana, tu vas te blesser. Nana, tu veux nous tester? Nana, tu vas te blesser. Nana, des terres comme des massailles, tu peux en aller mince. Je vais tellement les fumer que j'écris mes textes sur une massa. En kick salement, toujours bouillant comme salamet. Je vais me faire du salami, sauf le buff au roi Salomon. Parti de rien, ça y est, on est dans la partie. Tous un des miens, fini, on part tous. On est carré, la plupart sont tarés. Me parle pas de câlin, j'ai du mal comme une carie. Ça boit du kawa, rien que ça met des KO. Quand il pleut de bas, ça sert à rien d'avoir un KO. Ici y'a que des winners, toi t'es bon qu'à porter line. Marseille c'est chaud, ça tire. Y'a pas que le réveil qui te lève à 7h. Sur VDP, pas Versace. On veut tous tailler Versature. Et demande à Mehdi, on les boit comme du Madi. La concu, on va la choquer comme un chinois qui s'appelle Madi. Et oui, on t'a dit, j'écris sur le tactile. Pour froisser des mères sur ma mère, on a la tactique. Dinetico, ça travaille intensif, en deux mois on va les choquer. Génération instable, la focus prend des photos mais c'est pas pour Insta. Mais qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là? Oh check c'est laser.